Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence « Un costume, ça doit vivre », les usages du costume en reconstitution historique avec la sociologue Audrey Thuaillon-Demézy dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginales. L'idée, c'est que je vous parle de reconstitution historique et plus spécifiquement des costumes en reconstitution historique et leurs usages, c'est-à-dire à quoi ça sert finalement un costume en reconstitution historique. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, quand on parle de Moyen-Âge mise en vie, on peut penser aux productions issues de la culture populaire, les séries télévisées, les films, les jeux, jeux de rôle, jeux de grandeur nature, etc. Et aussi les fêtes médiévales. Et dans les imaginaires contemporains, on se rend compte que le Moyen-Âge devient un terrain de jeu dans lequel on peut s'évader par la fiction, d'une part, mais aussi corporellement parlant, donc par le corps, par la mise en vie du passé. Et en tant que socio-anthropologue, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces expériences vécues corporellement du passé, savoir ce que les gens en disent et comment ils les pensent. Et donc, l'histoire vivante est l'une d'entre elles, donc l'une de ces manières de vivre le passé. C'est un loisir qui vise à mettre en vie le passé à travers la matérialité, donc les objets, et la corporéité, donc le rapport au corps, qu'est-ce qu'on fait avec ces objets. Donc l'idée aujourd'hui, là, pour ce café de l'histoire, c'est de porter une attention spécifique à la reconstitution de la période médiévale, parce qu'on a de la reconstitution pour plein de périodes, mais moi je me suis intéressée plus spécifiquement à la reconstitution du Moyen-Âge, à travers les costumes. Et en fait, on se rend compte que ceux-ci deviennent les symboles d'une rupture spatiale et temporelle, hein, donc on coupe avec le quotidien par les symboles, par les costumes, et ils permettent une présentation de soi au sein de la communauté des reconstituteurs. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que le vêtement recréé fait sens pour les reconstituteurs dans le cadre de leur démarche d'histoire vivante ? Alors, avant de rentrer plus en avant dans le vif du sujet, je voulais d'abord présenter un petit peu le contexte global et de savoir finalement ce qui distingue un costume du déguisement et notamment l'importance du vocabulaire. On va voir qu'il y a c'est très marqué au niveau du vocabulaire. Les reconstituteurs ne parlent pas de déguisement, ils parlent de costume et je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que l'histoire vivante, pour remettre un petit peu les choses au clair. Donc c'est une activité culturelle qui vise à recréer des manières de faire appartenant à un temps révolu, donc à travers notamment la mise en vie corporelle d'activités du passé. Donc les pratiquants d'histoire vivante font des recherches, notamment bibliographiques, et la mise en vie du passé est ensuite expérimentée grâce à la matérialité, donc grâce à des objets, qui sont ensuite testés en situation donc par les corps. Et l'idée de l'histoire vivante, c'est de présenter l'histoire autrement, donc autrement que celle qui est enseignée à l'école, autrement que celle qui est présentée dans les musées, donc on oppose histoire vivante à histoire morte, entre guillemets. Et donc l'idée, c'est vraiment de présenter une histoire alternative, une autre manière de présenter l'histoire, hein, qui remet au centre les objets et le corps. Et dans les travaux que j'ai menés, j'ai proposer de distinguer l'histoire vivante selon plusieurs axes. Donc d'abord la reconstitution historique, dont je vais vous parler aujourd'hui, donc qui vise à représenter à l'aide de la culture matérielle une personne ayant vécu à une époque passée. Donc ça peut se décliner de l'Antiquité, voire de la préhistoire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc on balaye toutes les époques. Et le but du jeu, c'est d'expérimenter en situation, expérimenter de l'artisanat, expérimenter du combat, etc. Dans l'histoire vivante, on a aussi les arts martiaux historiques européens. Pourquoi je les mets avec ? Tout simplement parce que là, on est sur une pratique qui n'est plus faite forcément en costume, mais où l'important, ce sont les gestes techniques et les savoir-faire martiaux historiquement situés. Donc en fait, c'est la même démarche. Même si on n'a pas le costume, on a cette volonté de recréer l'histoire et de retrouver des gestes en expérimentant. Voilà quelques exemples. Donc on voit qu'on est sur une pratique, on pourrait en discuter, mais plus sportive, etc. Donc mais la logique est la même. Et le troisième élément qui apparaît, je suis désolée, je me retourne à chaque fois, j'ai pas confiance en fait, le fait que ça passe. Le troisième élément qui apparaît, ce sont tout un ensemble de médiations culturelles et historiques qui prennent place notamment au sein des parcs archéologiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais il faut simplement comprendre que l'histoire vivante regroupe toutes ces pratiques et répond à des mêmes enjeux, c'est-à-dire c'est tester la culture matérielle en situation, essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'à partir d'objets, de traces laissées du passé, on peut expérimenter physiquement le Moyen-Âge. Alors, petit point juste assez rapide méthodologique parce que je pense que c'est important quand même. Je ne suis pas historienne, donc je ne suis pas là pour dire si ce qui est fait est en cohérence avec ce qu'on sait du passé. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne la communauté des reconstituteurs, etc. Et donc, pour essayer de comprendre ça, j'ai fait des observations participantes, c'est-à-dire que je suis aussi reconstitutrice. J'ai fait des entretiens avec des reconstituteurs et des pratiquants d'AMHE, et j'ai également fait passer des questionnaires, voilà, pour avoir un petit peu le profil des pratiquants. Donc ça, je passe. Alors, premier point, donc si on veut s'intéresser plus spécifiquement à la question du costume, je vous l'ai dit un peu en introduction, il y a vraiment quelque chose autour du vocabulaire. C'est-à-dire qu'en reconstitution, les discussions qui portent sur les habits sont nombreuses. C'est-à-dire que ça forme vraiment quelque chose qui est au cœur de la reconstitution. Et on se rend compte rapidement que le déguisement renvoie finalement, le terme de déguisement renvoie à une représentation un peu fantasmée du Moyen-Âge, autrement dit une pratique peu sérieuse. Donc les déguisements sont par exemple en plastique, je cite hein, des reconstituteurs, voire je cite toujours en côte de maille tricotée, et pour les reconstituteurs, les déguisements, on les trouve sur les fêtes médiévales, principalement, alors qu'à l'inverse, le costume désigne un vêtement qui va répondre à des critères d'historicité et qui serait donc le propre de la reconstitution. Donc pour les reconstituteurs, ça c'est le mantra un petit peu, c'est on ne se déguise pas, on se costume. Donc c'est finalement pour essayer de marquer aussi des différences vis-à-vis d'autres activités. Je vous donne une citation, on ne peut pas dire que quelqu'un fait de la reconstitution quand il est déguisé en caleçon et en t-shirt. Sous-entendu, à la différence du déguisement, le costume répond à des normes qu'il convient de respecter, notamment quant au textile utilisé. On n'utilise pas de textile synthétique, par exemple, ça n'existait pas au Moyen-Âge. Quant à la couture, quant au patron, etc., qui doivent être proches de ce que l'on sait actuellement des traces laissées par le Moyen-Âge. Ou par le passé, ça marche pour toutes les autres formes de reconstitution. Et finalement, les reconstituteurs se costument en ce qu'ils portent des vêtements qui ne sont pas ceux du quotidien, mais qui s'expose finalement dans le cadre des événements de reconstitution. Et donc ces costumes ont un usage social, puisqu'ils permettent finalement de présenter l'historicité de ce qui est mis en vie. En gros, à travers le costume, on va montrer qu'on a fait des recherches et qu'on présente quelque chose qui est historiquement plausible. Donc par extension, on se rend compte finalement que les reconstituteurs vont spécifier leurs vêtements. Ça devient un petit peu comme dans notre quotidien, en fait. On va avoir des costumes pour le soir, on va avoir des costumes, alors je cite, mon costume mérovingien, mon costume 15e siècle, mon costume viking, etc. Et donc, on se rend compte finalement qu'on a aussi des costumes qui sont mis pour certaines occasions. Par exemple, c'est mon costume de travail. Donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas mettre un costume du soir pour travailler, par exemple faire de la forge, parce que si on a un joli costume avec une jolie cotte qui coûte plus cher qu'une chemise en lin, par exemple, on n'a pas envie de le salir en faisant de la forge. Donc on se rend compte que derrière le terme de costume se cachent finalement plusieurs réalités que les reconstituteurs vont différencier en fonction de ce qu'ils veulent montrer d'eux-mêmes ou de leurs activités. Donc la reconstitution induit également un déplacement spatial et temporel qui se situe hors du quotidien. Quand on fait de la reconstitution, on part en vacances au Moyen-Âge, hein, ça c'est ce qui est souvent dit. Donc c'est une évasion dans un autre espace-temps durant un week-end. Et pour ce faire, le costume joue un rôle spécifique. À partir du moment où les reconstituteurs enfilent leur costume, ils sont dans un autre espace-temps, ils sont en reconstitution. Et on voit finalement que le vêtement favorise cette évasion au Moyen-Âge et permet ce que les reconstituteurs nomment l'immersion, c'est l'idée de s'immerger dans un temps autre qui est celui du Moyen-Âge en l'occurrence. Et donc on voit que la rupture temporelle est consommée par le port des vêtements. C'est en portant un vêtement qui symbolise le passage d'un temps à un autre qu'on rentre finalement dans un autre espace-temps, celui du loisir de la reconstitution. Alors, le vêtement, par ailleurs, fait partie de tout un ensemble de systèmes. Là, on se rend compte que ce n'est pas juste des choix individuels et personnels, mais que faire son costume, ça rentre dans un système de la reconstitution. En effet, quand on fait un costume, on doit répondre à des normes qui visent à approcher au plus près la réalité historique, et le but étant aussi de faire vivre les vêtements. C'est pas simplement un costume pour être porté, pour faire joli. Le but des reconstituteurs, c'est aussi de tester les costumes en situation. Par exemple, un patron de pantalon, les reconstituteurs vont voir est-ce qu'il tient quand je m'assieds, est-ce que la couture est suffisamment solide, est-ce que ça marche aussi avec les chaussures, est-ce que les chaussures que j'ai fabriquées, elles sont trouées au bout de deux sorties parce que j'ai marché sur des graviers et qu'il n'y a pas de semelles, etc., etc. Et donc il y a cette idée que le vêtement doit être porté, doit être vécu, on doit vivre dans son costume de reconstitution. Et c'est l'idée de la patine. Et il y a un reconstituteur qui m'a dit, je vous cite, « La patine du vêtement, cela dépend de ses conditions de vie, de son état d'usage, qui dépend de sa fréquence d'utilisation et de son entretien. C'est aussi important de voir la manière et l'état d'esprit dans lequel tu fabriques ton costume. » Donc on se rend compte finalement que le costume de reconstitution, il doit être porté, il doit être vécu, et il s'oppose ainsi au déguisement. C'est-à-dire qu'un costume trop propre ou trop neuf, finalement, ce n'est pas un costume. En tout cas, ce n'est pas un costume qui est vécu. Et donc, il y a aussi tout un discours critique autour de la pratique qui consiste à acheter son costume sur Internet, par exemple. Ça ne rentre pas dans le cadre de la démarche de reconstitution, puisque le but étant de tester quelque chose, si vous achetez des costumes manufacturés, ça ne marche pas, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée d'être aussi acteur de son costume, non seulement en le portant, mais aussi en le fabriquant. Donc, il y a tout un discours autour du comment je fabrique mon costume, qu'est-ce que ça dit de moi, etc. Donc finalement, le costume apparaît comme un modèle social, si vous voulez, de ce qui permet de dire qu'on appartient à la communauté des reconstituteurs. C'est un objet qui finalement est central et ça organise toutes les relations au sein du groupe. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas forcément un costume qui le ferait entrer dans la communauté de la reconstitution en serait rejeté, si vous voulez. Et donc, il y a toute cette idée autour de la présentation de soi, c'est-à-dire qu'on expose son costume donc à travers l'apparence qu'on donne, c'est-à-dire que c'est aussi visuel, hein, comment on se présente. Les reconstitutions textiles, finalement, permettent d'afficher son identité de reconstituteur et de montrer son appartenance au groupe. C'est une sorte de rite de passage. Hein. En gros, vous avez un costume qui est validé par le reste des reconstituteurs. D'ailleurs, il y a des rassemblements de reconstitution. Vous devez présenter avant, envoyer des photos de votre costume pour que les organisateurs valident ou non votre participation. Et si votre costume est jugé non conforme, alors aux sources, à la période reconstituée, etc., vous devez le refaire, etc. Donc le costume, c'est ce qui est montré aux autres. Et comme pour respecter finalement les normes de l'historicité, les costumes couvrent l'ensemble du corps, hein, au Moyen-Âge, quelle que soit la période, ne laissant souvent visible que les mains et le visage. Donc c'est des cottes longues pour les femmes, ce sont des pantalons pour les hommes, toujours avec des manches longues, etc. Souvent avec des manches longues. Donc ce que l'on accepte de montrer de soi sur le rapport au corps aussi, c'est soumis aux règles de l'historicité. On ne peut pas décider finalement, pour faire de la reconstitution mérovingienne, je vais faire une cotte qui m'arrive au genou parce qu'il fait chaud. Non, on part du principe que les reconstituteurs se soumettent finalement aux règles de l'historicité. Et finalement, l'apparence en reconstitution, elle dépend aussi de contraintes historiques, qui à leur tour enclenchent un apprentissage lié au port du vêtement. C'est pas facile forcément de se déplacer en permanence avec une côte longue, c'est pas facile de se déplacer avec des chaussures sans semelles, etc. Donc on voit que les costumes induisent aussi un apprentissage corporel. On apprend à marcher autrement quand on n'a pas de semelles dures sous la chaussure, hein, on va plus marcher avec la plante du pied et moins avec le talon, etc., etc. Donc on a tout un ensemble finalement d'apprentissage corporel qui vient avec le costume. Et les tenues imposent aussi des rôles à tenir. Alors, notamment concernant, si on s'intéresse aux pratiques physiques, les pratiques physiques, on en a plusieurs en reconstitution. On a avant tout les combats de reconstitution, les affrontements armés, et puis d'autres activités dont je vais parler un petit peu après. Donc d'abord les combats. Alors on se rend compte que les combats en reconstitution, c'est avant tout le fait des hommes. Donc il y a peu de femmes finalement qui participent aux combats de reconstitution, hein, statistiquement parlant, on va dire. Et quand les reconstitutrices prennent part à des combats, elles sont souvent costumées en hommes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un travestissement et elles adoptent un costume masculin. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison évoquée, c'est d'abord qu'il faut se conformer à l'historicité. Il y avait très peu de femmes combattantes. Et donc, quand on représente des mêlées, par exemple, des affrontements comme vous avez là, on ne veut pas montrer de femmes parce que, historiquement parlant, ce n'est pas plausible. Et puis, il y a quand même cette idée aussi que faire du combat en robe, en côte, c'est quand même pas super pratique. Donc, il y a aussi cette idée que les femmes elles-mêmes disent « Non, mais moi, je fais du combat, je me costume en homme parce que sinon, c'est vraiment trop compliqué. » Et donc, on a quand même des dissensions autour de ce port du costume masculin, etc., hein, au sein de la communauté des reconstituteurs, puisque le costume, finalement, conditionne les activités permises ou défendues. Si je suis une femme avec un costume féminin, je ne vais pas m'autoriser à faire du combat, parce que, historiquement parlant, ça ne se faisait pas. Donc, on a quand même toute cette tension autour aussi du rapport de genre dans les costumes. Et donc, le travestissement, finalement, donne la possibilité aux femmes de participer à des activités qui sont historiquement réservées aux hommes. Donc, on voit ici qu'on a le poids de l'histoire, qui est symbolisé par les vêtements, qui influent sur les pratiques de loisirs actuelles. Alors, une autre activité physique est, par exemple, hein, celle de la pratique de la soule ou de la soule à la crosse. Vous savez, la soule, c'est cette espèce de... Alors, personne n'est trop d'accord là-dessus, mais ce serait, pour le dire rapidement, l'ancêtre du rugby. À la crosse, donc il y a une crosse un petit peu, voilà, comme on rajoute une crosse, là c'est un exemple de soule à la crosse. Et de la même manière, sur les observations que j'ai pu faire, on voit que ce sont principalement des hommes qui jouent. Alors là, c'est pour les mêmes raisons, en fait, hein, c'est compliqué de faire un sport avec une côte longue. Ça entrave les mouvements, surtout quand on est dans l'herbe. Et de la même manière, les hommes peuvent enlever leur chemise. C'est facile quand il fait chaud d'enlever sa chemise quand on est un homme. Ce n'est pas possible quand on est une femme, d'autant plus quand le costume est d'une seule pièce. Hein. Vous ne pouvez pas enlever votre côte complètement. Et donc, là, je vous ai mis une image, finalement, de pom-pom girls qui soutiennent le match de soule à la crosse. Alors, c'est une vocation humoristique, évidemment, puisque là, on voit bien qu'on a une sortie volontaire du cadre de la reconstitution. Il est évident qu'on n'avait pas de pom-pom girls, a priori, hein, que je sache, au Moyen-Âge. Et ici, on voit qu'on a un jeu avec les références au présent. Hein. On a ce jeu entre, bah, du coup, mon costume ou mon désir personnel, finalement, m'empêche de prendre part à l'activité, mais je suis quand même là et je joue avec les références du présent. Donc on est sur un détournement aussi finalement des logiques historiques sur le loisir au présent. Donc on se rend compte que le rapport au corps joue comme un révélateur des manières d'être et de faire de la reconstitution. Donc le port du costume, il symbolise le poids de l'histoire et il organise aussi ce qui est permis et ce qui est défendu. Qu'est-ce que je peux faire avec mon costume ? On voit qu'il y a des aménagements, évidemment, mais le costume a quand même un poids très fort sur l'organisation de ce qui est permis et défendu. Et donc, ce modèle social du vêtement, il va se décliner aussi selon des modalités de choix individuels, c'est-à-dire que les reconstituteurs choisissent quelle période ils veulent reconstituer, quel statut social ils veulent prendre, etc., et présentent ensuite ce costume aux autres. Et donc, une fois la période choisie, on définit aussi son statut social, et je vous ai mis une petite citation là. Et alors, globalement, dans l'ensemble, en reconstitution, les costumes, ce sont des costumes de personnes qui auraient pu exister, on va dire ça comme ça. Il y a quelques reconstitutions de personnes célèbres, des chevaliers ou des nobles, par exemple, pour certains cas spécifiques, comme les reconstitutions de bataille, la reconstitution de la bataille d'Hastings ou celle de Bouvines, où là, il y a un cadrage historique qui dit, bah voilà, on sait que tel noble était là, donc on va reconstituer tel noble, etc. Mais globalement, on est plutôt sur des catégories sociales spécifiques à l'époque reconstituée. Je reconstitue un artisan, un noble, un paysan, etc. On se rend compte cependant que les classes sociales élevées sont nettement sur-reconstituées. On a beaucoup plus en reconstitution de nobles que de paysans et quasiment pas de personnes du clergé. Alors que pourtant, alors en fonction des époques, hein, au Moyen-Âge, mais ça occupait quand même une large part de la société. Donc il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'abord un désir de sortir du quotidien. C'est sûr que la reconstitution, ça reste un loisir. Donc les gens ont envie de se faire plaisir. Donc si c'est pour reconstituer un costume qui prend 30 secondes à faire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant. Chez les nobles, par exemple, alors je dis nobles, hein, mais c'est les classes sociales favorisés, on va dire ça comme ça, à l'époque. On a des bijoux, on a des armes, alors que si on prend les paysans, en fait, on ne sait rien quasiment de leur manière. Enfin, il n'y a rien dans les sources archéologiques. Donc, ça reste uniquement sur le vêtement en tant que tel et pas sur les objets type bijoux, armes, etc. Donc, effectivement, c'est plus intéressant, entre guillemets, en termes de recherche, de se plonger dans la vie d'un noble, puisqu'on a plus de traces aussi. C'est une question de quantité de traces hein, laissées par l'histoire. Alors ensuite, évidemment, il y a aussi une manière de présenter le travail fait. C'est-à-dire que le costume, c'est non seulement une manière de se présenter, mais c'est aussi une manière de présenter son travail. Et on montre aussi ses compétences en termes de couture ou en termes de recherche préalable. Et là, je vous ai mis des images d'un costume du soir, justement, qui avait été fait à partir de... la trame du tissu avait été entièrement reconstituée en soie. Donc là, alors ça demande aussi un certain budget, hein, évidemment, etc. Mais c'est aussi le costume expose à la fois les recherches qui sont faites et le travail fait. Et là arrive tout un discours autour de est-ce que les coutures sont faites à la main ou à la machine ? Ça, c'est le discours récurrent en reconstitution. Est-ce que celles qui sont faites, est-ce que celles qu'on ne voit pas sont aussi faites à la main ou parce qu'on ne les voit pas, on peut les faire à la machine ? Parce que quand même, bah oui, ça prend du temps de faire à la main, etc. Donc là, si vous voulez, il y a tout ce discours autour de c'est une présentation de soi, mais c'est aussi une présentation de ses compétences, à la fois de savoir-faire et de recherche. Oui, je reconstitue un noble de 1465 parce que j'ai fait des recherches sur cette période très précise, etc. Et donc, on se rend compte que avec cette idée-là, finalement, ça explique aussi, si vous voulez, la surreprésentativité des personnages nobles et le fait que finalement la répartition des costumes aujourd'hui en reconstitution, elle ne représente pas du tout au global finalement ce que pouvait être la société médiévale. Donc ça, les reconstituteurs le savent très bien, mais parce qu'on est aussi sur des choix individuels. Et que, ben oui, si je fais partie d'une association de reconstitution, peut-être que moi, j'ai pas envie de faire le paysan pendant que le président de l'asso, il va faire, le jarl chez les Vikings. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là, si vous voulez, donc qui se posent aux reconstituteurs et qui se posent eux-mêmes, mais on est sur les limites, finalement, du loisir du temps présent. On est là pour se faire plaisir. Et donc, ben oui, il y a ces limites vis-à-vis de la représentativité historique. Et dernier point pour terminer, la question des interdits vestimentaires, finalement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer ? Donc les habits portés, ou ceux qui sont enlevés, hein, d'ailleurs j'y viendrai, sont aussi dépendants du contexte et du temps, alors du temps au sens météorologique, cette fois de l'événement. Par exemple, quand il fait chaud, les reconstituteurs vont enlever leurs manteaux et leurs cottes qui sont en laine et vont les remettre seulement à la tombée du soir, quand il fait plus frais. Donc on a une certaine forme de nudité qui est permise du moment, alors ça c'est assez intéressant, du moment qu'elle respecte les critères de la décence contemporaine. C'est-à-dire que la nudité socialement acceptable aujourd'hui ne reflète pas celle de l'époque médiévale. C'est-à-dire que quand les reconstituteurs, notamment les hommes, se mettent torse nu pour jouer à la soule à la crosse par exemple, évidemment que historiquement parlant, il est peu probable que ça ait été très acceptable. Donc on retrouve ici finalement cet écart, cette tension entre le présent et l'historicité recherchée. Le confort moderne l'emporte souvent sur les injonctions de présentation de soi et d'historicité. Et alors il y a des critiques hein, qui sont émises au sein même de la communauté, donc elles se régulent si vous voulez, hein, lorsque des écarts trop importants par rapport à cette norme du système vestimentaire apparaissent. C'est par exemple le cas quand on voit les sous-vêtements modernes sous les vêtements historiques, par transparence ou parce que ça dépasse. Voilà, y a souvent les reconstituteurs peuvent être appelés à l'ordre gentiment par leurs camarades. Ça peut être le cas aussi sur la nudité concernant les jeux d'eau. Quand il y a des rivières à proximité des manifestations, la tentation est forte quand il fait beau d'aller se baigner. J'ai encore jamais croisé de reconstituteur qui a fait des maillots de bain médiévaux. Donc souvent, soit ils se baignent en costume médiéval le plus réduit possible, soit pour les femmes notamment en sous-vêtements modernes. Et donc ça, si vous voulez, dans tous les cas, les baigneurs sont mis à l'écart à ce moment-là, puisque du coup, ils ne respectent plus les critères de l'historicité, et donc ils se mettent à l'écart pour ne pas gêner les autres. Voilà, on aurait pu imaginer finalement que ce poids du présent ne serait pas forcément là sur ces temps, on va dire, de relâchement, mais ils sont toujours là, et d'eux-mêmes, les reconstituteurs s'écartent. Alors on a aussi la question du maquillage, qui revient souvent parce qu'elle est souvent posée par le public des événements de reconstitution. Donc on a quelques traces de maquillage féminin, Et en fait, on se rend compte que le maquillage, pour la reconstitution médiévale, en tout cas, disparaît des pratiques de reconstitution, puisque se maquiller apparaît comme une contrainte liée au monde contemporain, dont les femmes, en l'occurrence, ont envie de se détacher. Donc souvent, il y a pas de maquillage. Il y a quelques essais, évidemment. Il y a des associations qui essaient de retrouver des traces de maquillage. Alors, le problème aussi, c'est que les composés qui étaient utilisés à l'époque sont clairement toxiques pour aujourd'hui, hein, du plomb, etc. Donc, il y a aussi toute cette barrière, finalement, sanitaire qui fait qu'on a peu. Il y a cette déprise, finalement, de l'apparence liée au maquillage. Et enfin, pour terminer, quelques concessions sont aussi faites concernant la trame des habits. Alors ça, c'est assez intéressant, puisqu'il y a tout un discours autour de la couture, de plus en plus autour de la couleur. Donc on a vu ces dernières années une augmentation finalement des reconstituteurs qui teintaient eux-mêmes leur tissu. Et on se rend compte qu'on a des couleurs très vives, très riches, etc. Plutôt que d'acheter le tissu teinté chimiquement, les reconstituteurs font eux-mêmes leur teinture. Mais on se rend compte que finalement tout ce qui a trait à la trame du tissu sur le filage ou le tissage, c'est encore difficile, c'est-à-dire que les tissus sont encore achetés de manière, fait de manière contemporaine, tout simplement parce que filer puis tisser un patron ou un costume, c'est très long, donc les reconstituteurs n'ont pas forcément le temps de le faire, ça demande des compétences aussi, ou ça peut être très cher si vous l'achetez à la main. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, finalement, cette trame du tissu, elle est au moins aussi importante que les couleurs, puisqu'on sait notamment que les trames contemporaines sont beaucoup plus resserrées que les trames historiques, et donc ça change en fait tout le rapport que l'on peut avoir à son costume et à la manière dont on l'utilise. Voilà, donc pour conclure, je suis comment là ? Personne m'a fait de grands signes. Ah, j'ai oublié ce nom. Voilà, pour conclure, le costume, c'est un élément central de la reconstitution, donc il fait partie de la culture matérielle qui permet le passage d'un univers à un autre. Il symbolise une rupture à la fois spatiale et temporelle. Et il cristallise le cheminement finalement d'un monde social à un autre. On quitte son monde social contemporain pour entrer dans celui de la reconstitution. Il est aussi une manière de présenter une image de soi. C'est la première chose qu'on voit quand on voit un reconstituteur. La première chose qu'on voit, c'est son costume. On ne voit pas sa vaisselle, on ne voit pas forcément je sais pas ce qu'il y a dans sa gamelle, etc. On voit avant tout son costume, donc c'est une manière de se présenter. Et la reconstitution textile, c'est un système vestimentaire à part entière. Ça forme vraiment un système qui est organisé par des normes et qui doit répondre à une réalité historique présumée, donc à laquelle il convient de se soumettre, puisque sinon vous êtes mis à l'écart du groupe des reconstituteurs. Et enfin, ce vêtement, il est à la fois un symbole, donc c'est celui de la pratique. Voilà, la reconstitution, elle se fait en costume, à la différence des arts martiaux historiques européens que je vous ai présentés au début. C'est aussi un outil qui permet de se présenter et de vivre le loisir, et c'est également une carte de visite. Voilà, moi, je fais de la reconstitution telle période, et mon costume vous dit ça. Pour terminer, les costumes sont aussi vécus par les reconstituteurs comme un moyen de provoquer un dépaysement et de produire des émotions. Il y a aussi tout le champ émotionnel qui est là derrière. On pourra en discuter si vous voulez. Et les costumes orientent des pratiques de reconstitution en mettant l'accent sur les savoir-faire et orientant aussi des savoir-être, puisque on agit, on vit dans son costume. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Audrey Tuaillon-Benézi. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.